La Corée renforce le travail hygiénique et prophylactique. Les hommes sanitaires des hôpitaux centraux, comme l'hôpital de l'école supérieure de médecine de Pyongyang près l'université Kim Il-sung, l'hôpital Kim Man-yu, l'institut de médecine Goryeot et la maternité de Pyongyang, ainsi que les hôpitaux populaires provinciaux, livrent activement la propagande anti-épidémique chez les organismes, entreprises et foyers. Le programme de support d'observation environnementale Kumsugangsan 3.1 étant développé, des mesures sont prises pour prévoir, analyser et évaluer la pollution atmosphérique dans les entreprises et usines, sites pittoresques, parcs publics et cours d'eau. On contrôle efficacement la gestion régulière des installations d'épuration des eaux usées domestiques et industrielles dans les agglomérations résidentielles et d'autres unités d'activité. On prend aussi des mesures prophylactiques à l'endroit des unités de vie collective des enfants, notamment les crèches, écoles maternelles, primaire et secondaire pour orphelins.